Les formations civiles et sociales sud-coréennes, surtout la Fondation de souvenirs justes pour la solution du problème d'esclavage sexuel au service de l'armée japonaise, ont tenu le 31 août devant l'ambassade japonaise à Séoul une conférence de presse pour publier le manifeste pour condamner le Japon cherchant à couvrir le crime inhumain avec quelques sommes d'argent et la conduite de Pakonnet servile au Japon. Ils ont livré ensuite le 1246e meeting de mercredi. Par ailleurs, le même jour, les parlementaires issus du Parti pour le Peuple ont organisé un meeting à l'arrondissement de Socho de Séoul. Les participants ont exigé du gouvernement de proclamer intégralement, ne serait-ce que maintenant, l'annulation de l'accord de l'année dernière au gouvernement japonais irresponsable et de prêter l'oreille à la voix des victimes et du peuple.